de la dégénérescence physique et morale de l'espèce humaine déterminée par le vaccin. Par le docteur Verdé de Lisle, Conatura Vergi, Paris Charpentier, libraire éditeur 39, rue de l'Université 1855. Préface. L'espèce humaine dégénère, aux puissantes traces des siècles passés, a succédé une génération petite, maigre, chétive, chauve, myope, dont le caractère est triste, l'imagination sèche, l'esprit pauvre. Vainement les gouvernements de tous les pays poursuivent l'œuvre de son amélioration physique et morale avec la plus louable, la plus admirable sollicitude. L'espèce est malingre, la nature semble avoir été arrêtée dans sa marche et n'avoir pas acquis tout son développement. La génération actuelle est en proie à des maladies nouvelles, et nombre d'anciennes sont devenues beaucoup plus fréquentes, plus graves, plus meurtrières. Les facultés intellectuelles ont subi les conséquences de cette désorganisation. Les efforts des gouvernements sont inutiles, le progrès est paralysé, il y a un mal radical que personne ne voit, que personne ne veut voir. Remontons enfin à l'origine, la cause unique de ce désastre multiple, c'est le vaccin. Le mode d'action du vaccin, que les propagateurs ont exposé de la façon la plus bizarre et la plus variée, mais qu'ils ont toujours ignoré, nous l'exposons, preuve en main. Ces conséquences que les inventeurs de la vaccine n'ont pas su prévoir, sur lesquelles les continuateurs tiennent à fermer les yeux, nous les exposons dans leur désolante multiplicité. Découvrir l'origine du mal, c'est montrer du doigt le moyen unique d'en arrêter le progrès aujourd'hui, d'en préserver les générations à l'avenir. En somme, nous croyons donner le dernier mot d'une invention imprudente, qui déjà, trois générations durant, a pesé de la façon la plus cruelle sur toute l'espèce humaine. La doctrine est étrange, et surtout difficile à faire accepter aux prétentions du 19e siècle, conseiller à une science de revenir sur ses pas, de remonter de 60 ans en arrière. Les vaccinateurs résisteront donc sans nul doute, ils ont pour eux 60 ans de pratique, funeste, il est vrai, mais officielle, l'admiration moutonnière des académies. Ils ont, parmi nos confrères, la routine, dans les familles, l'usage. Nous aurons pour nous les hommes d'intelligence, les médecins érudits, avides de science, qui lisent et étudient sans préjugés, nous aurons pour nous tout homme qui réfléchit. Ce livre s'adresse aux académies, aux médecins, et aussi aux gens du monde. Car il est un certain nombre d'hommes de science, les uns ignorants, les autres parfois fort éclairés, dont la logique instinctivement têtue, et méthodiquement contradictoire, résiste par principe à toute assertion nouvelle, à toute idée en opposition avec les idées reçues. Cette classe, toujours trop nombreuse, s'empare de la confiance publique, s'appuie sur la durée des erreurs, sinon pour les propager encore, au moins pour les maintenir en dépit du progrès de la raison. Ils se font un mérite de mettre dans leurs décisions, une maturité imposante et vaine, parfois perfide, ils opposent à des recherches nouvelles une barrière que la conscience publique a souvent grand-peine à renverser. Or, la question est assez grave, intéresse assez la santé et la vie de tous, l'avenir de l'humanité tout entière, pour que nous ayons cru devoir rappeler, cette fois, non seulement les hommes de l'art, comme nous l'avons fait dans le traité que nous avons publié en 1839, mais tout le monde a jugé le débat. Nous avons donc, tout en démontrant rigoureusement et minutieusement notre thèse au point de vue philosophique et au point de vue médical, écarté autant que possible le style spécial, qui est d'usage ordinaire à la science. Afin d'être lu, nous avons tenu à être court, nous avions recueilli une série d'observations et de documents suffisants à remplir trois volumes in octavo, nous nous sommes courageusement réduits à l'essence même de la doctrine, et n'avons conservé de la masse de nos observations que juste le nombre de faits nécessaires à notre démonstration, l'expérience journalière des médecins, et les souvenirs de tous suppléeront largement au sacrifice que nous avons cru devoir faire.